When this happens, the huntsmen roar with bestial laughter. Can you hear me? The fags shriek and twitch. Master of the hunt is Captain Everard. Just how can you hear me? Was drummed out of the Queen's 69th for palming a jockstrap. There's this microphone. Dip poker. There's William careening, jumping, Seward overturning, spitting, speaking in another microphone. Baboons fighting hand across to hand time with the huntsman. Riders talking about the huntsman. About in the dust like crippled insects. William is talking about the huntsman. Huntsman. Huntsman. The party leader rides in triumph. I've got to admit there's something wrong here. A dignified old man, something going on that shouldn't be going on. Himself under the wheels of the car. The car is rotten. Don't sacrifice rotten with smoke. Up person under the wheels of my brand new Buick Roadmaster. Let's talk about his brain, man. With white wall tires, the brain man. Windows and all the trimmings. The brainiac. Chip Arab trick. Look to thy accent, Ivan. We're talking about David a trick, man. Fertilizer. We refer you to the conservation department. You gotta admit there's something wrong going on. Purpose. You can't hear this every day, can you? No. Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM, 40 rue Alfred Duméril, Toulouse, France. Ou sur canalsud.net, dans le monde entier. Même au Japon. Nous allons explorer ce soir les nuisances, donc sonores, environnementales ou non. Dans le nom, entendez bien. L'imaginaire. Nous allons faire un coucou au dimanche dissonanteur du 28 février 2010. Coucou. Nous allons gêner par le stimulus toute une portion de la fratrie dont nous faisons partie. Alors attention, ceci est une radio, libre s'il en est une. Et Nuisance est une émission brutiste s'il en est une. Stimulus sensoriel comme pénibilité cérébrale. L'environnement est pénible. Pénible à supporter l'environnement. Entendez-moi. Par-dessus ce brouhaha informe. Entendez-moi bien. La forme et l'informe ne font qu'un ou une. Je détruis l'atmosphère. Par mon humanité. Fuck it. Fuck it all. Fuck it deeply. And all of it. Thoroughly. Une pause pour vous rappeler qu'il est 21h. Dans à peu près 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il est 21h à l'horloge de Canal Sud. Nous sommes le vendredi, si je ne m'abuse, le 18 mars 2011. Vous écoutez donc une radio libre ou mourir. Et nous allons écouter donc un mélange de sons en provenance d'ailleurs. D'ailleurs d'ici, s'entend, car enregistré ou pré-enregistré, préparé pour vous nuire. Nuisance, donc, avec un S à la fin, entre parenthèses, nuit au sens. Je l'espère. Vividement. Lividiment. Maman. Myself and wish to live to make everybody suffer about it. Serve myself a skyweed up me bum. The bumhole I am, insult myself. I will ignore my ignorance, be placidly intervening in your consequential good, or should I say, sell you your well-being. Stupid, dumb shit motherfuckers. That includes me, of course. As you've probably understood if you listen to this show every now and then, I hate us, which includes me. Freedom of speech, fuck it. Freedom, fuck it. Stuff it up your ass, you stupid motherfuckers. If you believe that there's freedom anywhere in this little shithole of planet that we have destroyed, and which we are happy to destroy even more every now and then. As I was saying, I will roll a skyweed and drink a mega J, composed of utterly shitty ingredients, like Pepsi Cola, for example, which doesn't exist in France, or hardly. Should I say it only exists in Paris, man? Or you gotta look for it in the supermarket, and you never goddamn find that shit. So instead of talking about this shit, just let's live it. Le contenu libidinal de cette émission radiophonique n'est pas contenu en soi ni en la transcendance immanente de la périodicité. Aversion ! Aversion ! Aversion, vous dis-je. Je disserte sur votre discussion de Nasbrock. Je devrais dire notre discussion, à nous. Les Nasbrock. Entendez, sale espèce de race humaine. Aimez-vous les uns aux autres, plutôt crever, bien fait pour ta gueule. Ta gueule. Je vais maintenant conduire une conversation discrète avec un inconnu sodomisé et un mendiant souffrant. Oh Butch Cassidy, oh Neil Diamond, Lex Luthor et tous ces cancres-là dont je fais partie, vous obnubiles, pouvoir en place. Alors placez-vous du côté de Superman qui est mort handicapé et ne croyez pas en la croissance de l'être, mais plutôt en sa désagrégation. Citez donc du dictionnaire Alien. Numéro 1. Je vais donc me faire un kyste, tout seul, se me fissure. Entendez le monde de Sophie, la béatitude du poil du nez, qui pue et qui gratte le nez tellement tu l'as enlevé deux fois et qu'il revient toujours à la traîne. Pourquoi n'es-tu pas venu plutôt poil au poil du nez? Vous devrez lui dire, poilez-vous le poil au nez? Bande de petits égrenés. Ou dégrainés. Vous écoutez Nuisance, l'émission la plus pénible de la planète, j'espère. Que ne vous l'écoutez pas. Et que vous vous écoutez vous-même parler, incessamment, sans peu de choses à dire. Blablabla. Serre-moi le whisky coca. Espèce de gros tarba. Espèce de sale tarba. Je fais monter le niveau de la connerie humaine, gloire à moi. Gloire à nous, quoi. La connerie humaine. Alors, comme je te disais, barman ou barmaid, sers-moi donc un whisky coca, j'ai le blues. Le blues du noiseux tout seul, qui ne peut s'exprimer ailleurs que dans cette radio de fou. Entendez Canal Sud. De fou peut-être, mais de fou bien. Pas de fou, pas bien. Comme les autres. Les autres que je hais. Comme moi, que je hais. L'autre. Tant. Que je le hais. Oula. Entendez-vous les aigus dans le crissement de frein? Entendez-vous les graves? Les graves gravités qui s'échappent de mes traces de frein dans mon calbut tout sale. Souffrons, mes frères et sœurs, c'est la fin du monde, déjà, tant de fois avant, et encore une dernière fois, la fin du monde. Et nous parlions de caca. Qui a dit que c'était un silence de mort? L'horloge tic-tac. Et la gravité se fait entendre. Prout, prout, prout, prout. Bientôt un Larsen va apparaître dans vos petites mirettes. Tout doucement. Heureusement, il y a l'anus. Ayez peur. Très peur. De nous. Le temps passe sans trépasser, citation obligatoire dans une émission qui dure 2 heures. Le silence la composant entre les bruits, entre le bruit du silence dans la composition. Entendez le papier froissé, l'eau, bu. Tel un magasin, imbu de sa personnalité, la prétention vaniteuse humaine, je précise, précisionnisme s'il en est un. Vive le Pepsi Cola, in the bun. Entendez le cul, ou le huc, pour les gens controversables. Attention à vous. Le volume va monter, ou plutôt, le son va apparaître. 2, 1. Que l'émission de ce soir va être pénible. Surtout les liaisons entre les chemins de traversée. Hey, you, over there, just point out with your finger where your dick is and stuff it up your ass. Vous ne pouvez donc me censurer, la langue anglaise est interdite en France car la langue française est patriotique. Tic, tic, tic. Je n'ai pas dit de non, je n'ai dit que des wik. Et un peu de hic. Le Captain Haddock, comment on nous fout un Captain Haddock? Bordel de merde! Églou, églou, églou, églou! Je n'ai donc aucune idée ce soir. Me supporter pendant 2 heures. Merde. Fais chier. Faut chier. Fais chier, faut chier. Faucher les blés. Ou devrais-je dire le blé? Faucher le blé. Faucher le blé des nazes. Entendez-moi, voleurs. Émancipez-les de leur fric. Prenez l'heure. La solution tergiversante. Attrait consensus. Consensus. Et gloire au Qatar qui ne croyait pas en notre transcendance, ou je dirais, l'agnose. Gloire au Qatar, donc, agnostique, s'il en est, Gloire au Lord. Gloire au Pyrrhus. Gloire au Lord Pyrrhus mort. La mort. La mort de l'âme. Disparition de l'être. Pas rush du tout. Plutôt rush. Rush comme du PQ. Marron, celui qui gratte le cul. Nous allons passer en accéléré les bandes. Pour vous donner l'impression que tout le temps passe plus vite qu'il ne passe vraiment en fait. Et le temps durera toujours aussi longtemps. Mais on aura l'impression qu'il passe plus vite parce que c'est plus rapide le temps qui passe. Mais en fait non, c'est juste un aspect contre-visuel de l'auditif chant. AMP. Pas comme UMP, mais ça rime presque avec content. Alors le champ de vision nocturne HAL, toujours omniprésent, préparation, déblatération, éternel. Transfiguration. Ou devrais-je dire figuration, merde. J'ai senti mon caca, il sentait bon. C'est donc la figuration du trans. Je suis un transsexuel, oh merde. Comment faire? J'ai un seul sexe. Comment être misogyne sans être con? Je le souhaite tellement. Oh oui, la beauté est en ce monde. J'y crois vraiment. C'est beau, l'art est un mensonge. Oh non, pas ça, j'ai peur. De moi à toi, va te chercher ton kétuac et couvre-toi l'anus. Vite. Car il déborde de pustule purulente. Et de foutre Dieu. Le foutre de Dieu, Dieu et son foutre. Oh oui, et sa cyprine à Dieu. Oh oui, et tout le reste, du mucus et humus. Oh oui, parle-moi de tes glaires. Parle-moi des glaires. J'avale mes glaires. C'est bon. Vive le présent. Merde, j'ai dit la vérité. Je dois me flageller en public. Allons tous crever. Il n'y a personne au bout de la ligne. Personne. Je suis tout seul en ce bas monde. La terre vient d'exploser. Je suis mort. Merde, fais chier. Que vais-je faire en me grattant les couilles maintenant? Toujours donc la déblatération déblatérante, comme tergiversante, conversation, tergiversation, conversante. Content. Nous sommes au bord de la mort, au bord du gouffre. Oui, c'est vrai. Merde. Quelle vérité, ai-je dit? Merde. Je retire tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Je n'ai donc plus rien dit, je retire tout. Tout ce que je t'ai dit, à toi là-bas, et à toi la paix, et à toi le biche, la bouche, Je me retire de moi. Ouh, c'est bon, le sphincter, le passage du sphincter. Le passage du sphincter. Délicat, délicatesse, de la suavité, douceur, de l'insanité, l'insanité, des raisons, de la raison, Mensonge, mensonge, tout n'est que mensonge. Mensonge, mensonge, où es-tu passé? Row, row, row your boat, fucking down the stream. Shittily, shittily, shittily, shittily, life is but a scheme. Le schéma apparent du linsptouch sujet de linsptouch souch sujet est non dit. Mais quoi que lac, coco, la lac, caca, boudin. Oui, caca boudin. Boudin aux pommes. Et à chaque fois que vous mangerez du boudin aux pommes, vous penserez caca boudin aux pommes. C'est ainsi écrit. Suffisance de l'écrit, dépasse le sens de la vie. Conscience de la conscience, inconscience égale. Conscience de l'inconscience égale inconscience. Conscience de la conscience égale inconscience de l'inconscience. Égale subconscience de la conscience, égale annihilation, annihilation de la conscience, être T, vie, vie, vie, vie, le sang, pourcent, pourcent, toi, toi, toi, toi, là-bas, là-bas, crève donc en paix, prout! Et en gonflement aride. Blessure grave, atteinte, cerveau. Blessure grave, atteinte, cerveau. Blessure grave, atteinte, cerveau. Je me force maintenant à présent de blessurer gravement mon atteinte à la cerveau. Chut, chut, fichier, fichier. J'ai crevé, j'ai crevé, j'ai crevé, j'ai crevé, j'ai crevé, j'ai crevé l'abcès. Le furoncle déborde. Mon oncle, ma tante, je suis un PD. Papa, je me suis enculé moi-même, alors lâche l'affaire. Maman, j'en ai rien à foutre d'être à ménopause. Tu pues, tu cues, comme toutes et tous les autres. Car moi aussi, je pue du cul. Nous sommes donc égaux, égaux devant la puanteur de notre abjecte condition humaine. C'est le dernier bastion de la sanité, la déraison. La sanité égale déraison de la passion. Toujours désagrégation de la respiration tergiversante, versationnelle, versante dans l'obsédante, obsidienne. La pierre, l'écueil, cueille la pierre. La pierre d'achoppement de ton église, mon seigneur de merde, chinois sur la gueule. Quelle vie de pute, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit merde. J'ai dit merde à moi. Il reste pourtant une solution pour le sujet. La liberté est dans l'inconscience de soi. La conscience étant abjecte condition de torpeur et de déraison. Entendez la voix du Seigneur saignant pour vous. Du cul. Oh mon Dieu, du plastique! Oh, encore du plastique, merde! Oh, toujours du plastique! Mais celui-là est biodégradable! Vive le plastique biodégradable! Puis-je biodégrader le plastique? En m'en servant à travers ma chaise trouée, mon trône, à moi, le monde entier, car je suis un être humain qui pue du cul comme d'habitude. Oui, c'est moi. J'ai inventé la guerre pour vous atrophier le ciboulot. J'ai inventé l'intergénérationnel. J'ai inventé l'âge obscur J'ai inventé le tout. Pour nous, c'est de crever l'autre. J'ai inventé, entre guillemets, moi-même, que je ne suis pas celui que je dis, car je suis un artiste, triste de l'être. Fermez les guillemets, point, à la ligne, il n'y a pas de point, ligne, il n'y a qu'un point final, un point final, bordel de merde. La soupe cosmique. Entendez la soupe cosmique. Entendez. Quelle soupe cosmique celle-là. Ouh. Je vous la mets un peu plus fort pour que vous entendez mieux. Yeah. Ouh. Oh yeah, c'est de la pure noise. C'est du pure bordel. It's a pure bordello. Nous sommes dans les travelots en train de sucer l'anus. Nous puons du cul comme d'habitude. C'est beau, la vie est belle. Je sens le cul, j'aime le cul qui pue. Et je dépense mon fric. Tout bas. Ou tout haut si je suis un gros bâtard. Comme personne. D'ailleurs, il n'y a pas de gros bâtard sur Terre, surtout pas. Non. Attendez les grosses bâtards aussi. Nous chier sur le trou du cul. Pour mieux nous infecter de leur père. Date session. Date est celle-là 2011, signée le saignement. Allah. Du mouton qu'on va bouffer au kebab d'à côté pour pas cher parce qu'il est bon. Finalement, ça le fait. C'est cool. J'ai bouffé du mouton ce soir et du pantouflard demain. J'en boufferai aussi. Sauf que c'est moi le pantouflard. Qu'est-ce que je fais? Je me bouffe moi? C'est un putain de cauchemar. Je vais crever. Je vais crever de me bouffer. Je vais me faire encore tout doucement dans mon lit comme un gros connard. Défoncez-moi à la morphine. Visez la déficience respiratoire pour me soulager du cancer de la mort. La mort qui pue, la mort qui fait souffrir tant. Oh mon Dieu, elle me fait souffrir tant. J'aimerais être mort, tant je souffre de mourir. C'est japonais ce machin. Oh, il n'y a plus rien. No, I'm Mr. Black. I'm not Mr. Pink. I am rotten inside. Je pète. J'en pète. Le silence, toujours le silence qui déborde. Qui déborde de l'action. Alors nous allons crier un peu. Crier dans les foires. Les foires artisanales. Et ça ment. Ça ment beaucoup dans les foires artisanales. Il fut un temps où Yo, Nia et Zio œuvraient pour le mal de l'humanité. Nous allons écouter une bande. Une bande qui date de je ne sais quelle année, car il n'y a rien d'écrit sur le CD, à part Yo, Nia, Zio. Bienvenue à Yo, Nia, Zio. Écoutons Yo, Nia, Zio, numéro 1. Thank you. I'd like to fuck you, please. Oh yeah, baby. Baby. Oh, oh, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Let me fuck you, please, baby. Oh my baby. Oh my baby. Le thème de ce soir est donc un univers sans bruit, vous l'entendez très bien, le silence est d'or, c'est d'argent. Thank you. Après avoir donc écouté Yoniazio et leur délire fantasmagorique, nous allons écouter le foyer des jeunes travailleurs Espérance, plus proche de nous, rue de Nazareth, comme le Jésus bien nommé, une session du 19-10-2008, donc une session de toute fraîcheur et de toute beauté. Nous allons donc écouter la beauté transfigurée par le Christ nazarétien dans la cave, absoute, comme une absolution tangentielle. Bonne soirée, vous êtes à l'écoute de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net et vous écoutez donc l'émission Nuisance, si vous écoutez l'émission Nuisance bien sûr. Passez une bonne soirée, donc on est à l'écoute de l'émission Nuisance, donc Nuisance, l'émission qui nuit au sens. Désir. Achetez-toi une poule. Je peux perdre la tête. They're fragile as eggs. Easy on my ball. They're fragile as eggs. Thank you. There's a dispassionate glory on the face of the earth. I can hear a movement in the background, and the people are dying everywhere. Les gens meurent partout dans le monde. Il est 10h15, vous êtes à l'écoute de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net sur le web, sur toute la planète entière, même au Japon. Et nous allons bientôt mourir, c'est toute une question, donc mourir ou mourir, avons-nous le choix ? Le choix de mourir ou de mourir, le choix donc se fait entre la mort et la mort. Nous avons le choix de mourir ou de mourir ce soir sur Nuisance, l'émission qui nuit au sens, dans tous les sens du terme. N'est-ce pas? Et n'oubliez pas de mourir en paix, prout. Thank you. Hello to all you stupid motherfuckers out there. This is a special dédicace pour tous ces enculés qui me font chier à longueur de journée. Hormis, bien sûr, les enculés qui me font pas chier, quoi. À longueur de journée. Donc, la tiédeur, toujours la tiédeur, vomitive. Dieu vomit les tièdes, j'en suis un. Je me vomis, je me spolie et je me connerie. Surtout, je me connerie. Je me connerie beaucoup. Et la platine déconne, c'est la faute à Canal Sud. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM. C'est la faute à tout le monde. C'est la faute à la platine, surtout. Elle déconne. Et donc, comme vous entendez, la platine déconne et donc il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son parce que c'est la merde. Donc la merde en boîte. La merde en boîte de Nuisance. Nuisance, l'émission qui n'a rien à voir avec Canal Sud, mais pourtant qui est une émission de merde. Donc elle s'encule elle-même, l'émission Nuisance. Et elle prend les bites et elle les suce et elle avale le foutre. Voilà. Foutre Dieu, surtout. Le foutre Dieu, parlons-en. Allons tous se faire buter par notre connerie humaine. Et vive le Japon, que nous crevions en paix. Prout. l'état scabreux du syndrome du grand frère toujours présent dans cette réaction. Réaction chimique donc à 22h35, heure 38. 22h38 heure locale à Toulouse, France. You are in Toulouse, France. You are about to board or abort. It is local time 22:38. The show ends at 23:00. Fuck off. Blah blah blah. I hate. Thank you. On m'a jamais rien dit dans ce monde. Et donc, pour vous expliquer la chose, nous nous dirons subrepticement et succinctement, la vérité n'est pas unique. Donc, ni queue ni tête. Toujours le consensus incohérent, le parallélisme inconsistant et surtout la possibilité peut-être tergiversationnelle de la transversalisation vers un objet extérieur succinct. Donc succinctement dit, où ai-je trouvé un disque pareil ? Eh bien la question donc se pose. La carcasse inhumaine est à moitié morbide mais un peu molle. Molle comme la machine qui fait donc référence à des œuvres non dites et donc succinctement éparses dans une émission qui est auto-créée. Donc cette émission immanente et transcendante, les deux à la fois, eh bien vous avez bien compris que j'en ai rien à foutre. Et c'est bien ça le problème, et ce n'engage que moi. Donc en parlant de foutre Dieu, donc comme toute la soirée a été dédicacée à la spéciale Dedias el Untomutum et Carnivarec, Carnassum, Carnivarum, Carnikik dans le Huc. Et donc Hucum et Humus, donc mucus rectal, toujours présent, Al est là pour vous nuire. Et il faut que ça rentre, nuisance, donc l'émission qui nuit au sens, est là pour vous nuire, et pour me nuire, donc menu fretin pour une bagatelle, toujours l'espoir, je sais, personne n'est parfait. L'espoir, donc vous avez bien compris que je l'enculais, et donc allez tous vous faire foutre Dieu, en enfer. Ou plutôt même, allons tous nous faire foutre Dieu en enfer. Adieu. Pour l'éternité. Horrible. De l'existence. Inhumaine. De l'humanité. Dédicace donc au Japon qui souffre et qui est peut-être mort déjà. Dédicace aux morts qui sont déjà morts. Et dédicace aux futurs morts qui crient. Qui crient dans leur tombe. Quelle stupidité, quelle démence, quelle flatulence. Oh oui, prout. Nuisance donc sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, la radio libre, sinon mourir. Thank you. Y a-t-il encore des survivants sur cette planète? Il est 23h, moins 5 secondes. Bientôt, dans 2 secondes, il sera 23h et ce sera la fin de Nuisance. Ça y est, la fin de Nuisance. Comme vous voyez, Nuisance est donc finie. C'est vraiment l'enfer. Sur Terre. Nuisance continue. Continue encore et encore. En parlant de mystico bizarroïdes, allons tous nous faire enculer. Et donc, nous sommes sur Canal Sud. Qu'ai-je dit? Je ne m'entends pas. Je ne m'entends pas parler. Mais que m'arrive-t-il? Suis-je j'ai atteint le but inculqué par l'émission Nuisance, qui nuit au sens. Je n'ai donc plus de sens. Je suis incohérence totale. Totale, oui. Al est incohérence totale. Et donc, Al-Lal comme Al est incohérence totale. Incohérence totale. Et Al-Lal. J'ai débordé. Excusez-moi, j'ai débordé de mon créneau de 3 minutes, 3 minutes 30. J'espère que l'on ne m'en voudra pas trop. Je vais cotiser. Oui, je vais cotiser. Dans une association, donc, loi 1901, 40 rue Alfred Duméril, à Toulouse, France. Toulouse, France, 40 Alfred Duméril Street. 05 61 53 36 95, le numéro de téléphone, vous pouvez ne pas appeler. Et ensuite, je vous dis bonne soirée sur les ondes du 92.2 Toulousain. Ciao, ciao.